Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et c'est toujours Bulle de Rêve. Vous venez d'entendre une interview donc de Serge Bamberg. Alors vous avez remarqué qu'il y a eu un petit problème technique, c'est un petit problème de montage. Veuillez nous en excuser, on est désolé. Néanmoins, il nous reste juste 4 minutes pour Annabelle pour nous donner des nouvelles du monde toutes de l'animation. Alors on écoute Annabelle malgré les grincements de porte. Je vais d'abord fermer la porte. Voilà. Alors, au cinéma, une seule sortie de long métrage, c'est Madagascar, le 22 juin. Donc, c'est un film d'Eris Darnell et Tom Magras. Et c'est dommage qu'Alexis ne soit pas là. Je comptais un petit peu sur lui pour nous dire ce qu'il avait pensé du film, parce que je crois qu'il a vu la projection presse. Ah, Alexis, tu nous manques. Voilà. Donc, ça pour la prochaine fois. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler. Et bien sinon il y a quand même d'autres choses au cinéma, deux très bons programmes de courts-métrages qui passent malheureusement le même jour à la même heure et pas au même endroit. Donc c'est le mercredi 25 mai à 14h30 au centre Pompidou, il y a un programme de films chinois, Les Trois Moines, ça c'est pour les tout petits des 3 ans. Et puis au Forum des Images, donc également malheureusement le mercredi 25 mai à 15h, Les Petits Voyages Extraordinaires qui nous présenteront des courts-métrages de 1901 à 1998. Toujours, quel voyage. Ouais, quel voyage. Toujours au Forum des Images, vous pourrez voir Le Chat Beauté de Yabuki Kimio le samedi 28 mai à 15h, ça c'est dès 7 ans. Et puis retour au Centre Pompidou pour la projection le 8 juin de La Prophétie des Grenouilles de Jacques-Rémy Girard, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sinon, alors il y a des choses aussi au Jardin d'acclimatation qui fête le Japon et ses poissons volants avec l'événement Koi Nabori qui présente 8 longs métrages d'animation comme Goshu le violoncelliste, Qui est la petite peste, Horus, Le tombeau des Lucioles et bien d'autres. Ça c'est du 5 au 28 mai donc au Jardin d'acclimatation. Vous pouvez avoir la programmation détaillée sur leur site jardindacclimatationtoutattaché.fr. Une autre projection encore au Centre Wallonie de Bruxelles qui propose un programme spécial animation dans le cadre de son 13e festival Le Courant dit long. Donc les projections auront lieu le mardi 31 mai à 20h30 et le 1er juin à 16h30. Et vous pouvez avoir plus de renseignements en appelant le numéro suivant 01 48 04 90 85. Dans le cadre de son festival de marionnettes, le Théâtre de la Marionnette présente des œuvres de cinéastes néerlandais travaillant avec des marionnettes, des poupées. Donc ça, je pense aussi que ça vaut le coup d'aller faire un tour. Donc j'ai pas les dates des projections, mais vous pouvez voir ça sur le site www.biam2005.com. Une autre projection encore, on est gâté ce mois-ci, organisée par des élèves du département médiation culturelle de Sancier, donc le 24 mai à 20h au café La Plage, qui se trouve 59 rue de Charonne. Et donc au programme, des films de toute technique et puis des rencontres avec les réalisateurs. Ça peut être sympathique, donc le 24 mai à 20h. Pour en finir avec les projections, la dernière projection c'est l'Animathèque qui présentera les premiers du studio Image par Image. C'est le studio d'animation en volume de l'APCVL. Donc ça ce sera le 31 mai à 19h30 à l'espace Kodak comme d'habitude, 26 rue Villiot dans le 12e. Deux sorties DVD ce mois-ci, Les Indestructibles, en deux DVD collector, donc ça c'est pour le 24 mai. Et puis Panique au village de Patard et Aubier, le 30 mai. Et puis j'ai aussi un bon plan côté DVD, c'est les éditions 3A qui proposent un tarif préférentiel de moins 25% jusqu'à fin juillet sur leurs deux prochains DVD qui vont sortir bientôt. Il s'agit en fait d'une compilation de leurs films et aussi une compilation des films de Rouxel. Donc je pense que ça vaut le coup. Vous pouvez faire en fait la demande pour donc acheter Le DVD en avance donc à moins 25% sur AAA Productions, tout attaché, at wanadu.fr. Les 3A, c'est un des plus anciens producteurs français. Ils ont produit plein de merveilles en matière de court-métrage, donc faut pas rater ça. Ça vaut le coup, ouais, faut pas rater ça. Et puis une exposition aussi, c'est L'Orgue de Barbarie, le projet de long métrage d'animation de De Crécy, qui fera l'objet d'une exposition dans les locaux du cabinet Arayo et Montigny, les 4 et 11 juin. Donc ça c'est au 68 rue Boissière dans le 16e. Donc là vous pourrez voir plein de documents originaux, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Et puis pour finir, n'oubliez pas de réserver vos places pour les séances d'Annecy sur le site internet, ça c'est jusqu'au 1er juin, donc sur le site du festival. Et puis il y a aussi un blog qui a été créé autour du festival d'Annecy. Alors un blog c'est un espace sur internet où on peut un petit peu raconter ce qu'on veut. Donc ça en fait vous pouvez y avoir accès sur le site thewebanime.com. Donc pour avoir, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Annecy notamment, toutes les réactions par rapport au film et tout ça. Voilà pour ce mois-ci. Merci Annabelle. On se retrouve le 25 juin pour une émission consacrée au Festival d'Annecy. À bientôt. Au revoir. Au revoir.